lancé dans une pièce enfumée. Elle hérite quelques idées. Le hasard a fait l'univers sans jamais rien faire de travers. C'est en ce hasard, c'est en ce hasard, c'est en ce hasard, le plus grand des hasards que j'ai envie de croire. Un peu d'air, histoire de respirer, simplement de pas manger. Trois fois rien, non trois fois rien. La vie ne n'est que de probabilité. C'est en ce hasard, c'est en ce hasard, c'est en ce hasard, le plus grand des hasards que j'ai envie de croire. C'est bien connu, l'homme n'a que des qualités. Non, il n'est pas mauvais. C'est seulement moi qui n'est pas très doué en probabilité. Sans jamais se tromper, sans jamais se tromper, sans jamais se tromper. Crois un peu dans ta vie tout changer. Se tromper, sans jamais se tromper, sans jamais se tromper. Crois un peu dans ta vie tout changer. C'est au hasard du chemin que je l'ai rencontré. Peux-tu le croire, il me connaissait. Coïncidence, hasard minutieux. Je préfère les appeler Dieu. Sans jamais se tromper, sans jamais se tromper, sans jamais se tromper. Crois un peu dans ta vie tout changer.